romaric, c'est magique, me fait danser la Jamaïque. Il y a du soleil en armorique, le romaric est fantastique. Et à l'heure où les chouettes ululent, le romaric se déambule. Entre bons amis noctambules, on chante la grosse bite à Dudule. Le romaric, c'est l'Amérique, à toi, à moi, surtout à Rick. Mais toute la grisaille d'Armorik est plus joyeuse que Romaric, oui. Romaric, lui, c'est pathétique. Jamais ne trinque, jamais ne trique, pas un seul rot, pas un seul hic. Le rabat-joie version statique, Romaric serre la mandibule. La mine triste et patibulaire, il se gratte le testicule gauche et rend dépressive ma pendule. Oui, j'ai beau boire le romaric au verre, au fût ou en barrique, jamais il ne se désaltère, non, toujours il me désespère. Il s'en prend à la terre entière, à me frapper la gueule par terre, à vouloir sortir de mon corps, vivre sa vie après ma mort, aimer cette chance nouvelle, connaître une gloire éternelle, et tant pis pourvu qu'il en profite. Enfin vraiment du romaric, et tant mieux pourvu que l'on profite. Enfin vraiment de romaric, et que l'on chante ce qui m'étrique. Le romaric et romaric, tant mieux pourvu que l'on profite. Enfin vraiment de romaric, et que l'on chante ce qui m'étrique. Le romaric et romaric.